Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue d'Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, une fois de plus, ravi de vous retrouver pour ce 641e numéro donc, d'Electric Shock. Et oui, Electric Shock donc, entame donc sa 15e année. Et ouais, comme le temps passe vite. Donc, cette semaine, et bien, on aura des nouveautés qui seront au nombre de 4. On fera un petit peu dans tous les styles comme d'habitude. Et puis aussi, bah, on ne manquera pas de faire un hommage à Neil Peart, le légendaire batteur du groupe Rush, groupe malheureusement trop méconnu en France. Et voilà, donc c'est tout chaud, tout bouillant, puisque j'ai appris la nouvelle hier et c'est arrivé mardi dernier. Voilà, donc on n'oubliera pas bien sûr ce grand monsieur qui était Neil Peart. En attendant, eh ben, allez, on va se décrasser les oreilles, on va faire un petit bond dans le temps. Enfin, non, pas vraiment, en fait, puisque c'est tout nouveau, tout chaud avec le dernier album de Angel Witch. Mais Angel Witch, c'est un vétéran de la scène britannique des années 80, au même titre qu'Iron Maiden, Def Leppard, Saxon et autres, même s'il n'a pas connu le même destin. Enfin, ils sont toujours là et ils nous ont sorti un super album, Angel of Light. Et alors là, on va se faire un petit tour du côté de Andromède avec Death from Andromeda. We'll be right back. ça c'est indémodable, n'est-ce pas? Pure metal avec donc Angel Witch et leur album Angel of Light, et c'était le morceau Death from Andromeda. Continuons maintenant, tiens, on va faire un petit tour en Hongrie, on va retrouver le métal plus alternatif, plus moderne, plus actuel, va-t-on dire, de Continuum, avec leur premier album Not My War, et on va s'envoyer pour se décrasser les oreilles, Woo We Are. My name is Life. Welcome to the world of lies. When you step through my door, I'll take over yourself, over your control. Take your chance, roll the dice. Seal your fate, so you may rise. Open your eyes and breathe. If you want. You want to be. You fly. Made in from Orleans, c'était donc Prime Sinister, et oui, le groupe bien connu, Prime Sinister, avec Wish Me Hell, extrait donc de l'album du même nom, qui est sorti, il y a de ça 10 ans. Et Prime Sinister sera en concert samedi soir au Blue Devils pour présenter leur nouvel album, ce sera leur cinquième, et ils seront en compagnie d'un jeune groupe qui s'appelle So More Chains. Voilà, donc si vous n'avez pas quoi faire samedi soir, et voilà. Prime Sinister. Juste avant Prime Sinister, par contre, eux, ils viennent de Hongrie. C'était Continuum avec leur premier album qui s'appelle Not My War. Et c'était Who We Are qu'on a eu à l'instant. Et bien la suite, ça va être la première nouveauté de la semaine. Et là, on change complètement de style puisque là, on fait un bond en arrière dans le temps. Puisque là, on se retrouve carrément au niveau son à la fin des 60s, début des années 70, quand tout était à faire, qu'on découvrait ce qu'on appelle le hard rock. Un mélange de Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep et autres, c'est de The Wolf, les Hollandais, que nous avons découvert dans Electric Shock bientôt 2 ans, avec leur album Frost, qui était déjà leur 7e. Et ouais, ils sont tout jeunes, ils ont quoi, même pas 30 ans, ils ont déjà 7 albums déjà dans la calebasse, ça fait quand même beaucoup, et c'est vrai qu'ils sont un régime comme dans les années 70, où à l'époque on sortait 2 albums par an, c'était pas rare, et je vous ai rappelé, si vous êtes fidèles auditeurs, qu'on avait quand même passé pas mal de 7 albums, et pour ma part j'ai eu l'occasion de les voir en concert, et là j'ai vraiment fait un bond dans le temps, parce que les morceaux n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'ils étaient sur album, des jams à n'en plus finir, comme Deep Purple pouvait le faire à la grande époque. On a eu un live qui était sorti là au mois de juin dernier, et c'est avec une assez... Très surpris, j'étais très surpris quand j'ai reçu l'album. Là, il y a de ça, il y a bientôt un mois déjà que j'ai reçu ça en avance. J'ai dit, oh la vache, ils ressortent déjà un album. C'est vrai que bon, et si vous avez vu Rock Hard, vous savez que cet album, il est sorti, il a été enregistré dans des conditions très, comment dirais-je, roots, on va dire, puisque cet album a été enregistré sur un 4 pistes. Pendant des balances de concerts ou des répétitions ou même dans le van, enfin vraiment à l'arrache. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'album s'appelle Tascam Tapes. Tascam, du nom de, des magnétos 4-8 pistes que tous les musiciens amateurs connaissent bien, bien évidemment. Et des morceaux très courts, très bruts, très crus. Hein. C'est vrai que la prod laisse, on va pas dire à désirer, mais enfin bon, quand on voit le truc, la pochette nous dit This is the Wolf's new album, it was recorded on the road for less than $50, ça on veut bien le croire, but it sounds like $1 million, ça faut peut-être pas exagérer, mais par contre au niveau authenticité, pas de problème. Allez, on découvre tout de suite, on va se faire un petit blues sympa qui s'appelle North Pole Blues. Yeah. come on and say it to us. Quand Blackstone Cherry dépoussière les classiques de blues, voilà ce que ça donne. C'était donc Death Letter Blues, un extrait de Black to Blues Volume 2, au deuxième volet de leur relecture des grands classiques, qui était sorti là au mois de novembre, si mes souvenirs sont bons. Juste avant, tout nouveau, tout chaud et première grosse sortie de l'année 2020, le nouvel album de The Wolf, qu'on croirait sorti vraiment de la fin des années 60. C'était donc North Pole Blues et l'album c'est Tascam Tapes. Et bien maintenant, pour nous réchauffer un petit peu, tiens, je vous propose de retrouver les copains de Mirat en Tunisie, à Carthage plus exactement, où ils ont délivré un live somptueux, sorti en CD et DVD fin novembre, et un petit The Unburnt pour nous réchauffer. Ça vous va? Allez, c'est parti. Ladies and gentlemen, The Unburnt. Rise for this parade, with the heart of gold. You're a fleeting light, golden mine. You're free to bend now, in the hot city winds below. Silver hairs flying, mother of dragon. For your rights you will be fighting. The next track is called Sour Side. We'll be right back. pour le prix d'un Sarsight et The Unburst, donc tous deux extraits du CD-DVD Live in Carthage de Mira, sorti en fin d'année. Un groupe vraiment magnifique. Eh bien, on va se faire une nouveauté, la deuxième de la soirée, avec du brutal, du bien méchant, comme on l'aime de temps en temps dans Electric Shock, et oui, il en faut pour tous les goûts, avec Carcarias, le nouvel album de Carcarias, le cinquième. Alors Carcarias, c'est un groupe qui existe depuis 1991 quand même, donc vous voyez, c'est pas des perdreaux de l'année, ils sont de Besançon. Et là, ils ont sorti donc leur cinquième album qui s'appelle Planet Chaos. Alors si vous êtes amateur de death metal technique, vous allez aimer, parce que vraiment, on sent le métier, quoi, et... il n'y a pas à dire, c'est pas ridicule par rapport à la scène internationale. Allez, Battleground, si après ça il vous reste encore un peu de cérumen au fond des oreilles, je sais pas ce qu'il vous faut, on trouvera bien quelque chose sinon. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission qui grille les neurones. Balance, on est grillé quelques-uns avec les Fous Furieux de Red Sphere, groupe qui nous vient de Nouvelle-Calédonie, et leur premier album Immortal Voids, qu'on peut passer depuis plusieurs semaines, c'était Eyes Behind the Door. Ça aussi, ça arrache bien, c'était juste avant Carcarias, le cinquième album des Français de Carcarias, Planète Chaos, et c'était Battleground. On change complètement de style, quelque chose de plus soft, dirons-nous, mais tout aussi dérangeant. On va faire un petit peu de cybermétal avec le premier album des Nantais de Entropy Zero, que je vous ai présenté la semaine dernière, My Machine, A New Experience. Donc, on va se faire Memory Process et la petite intro, The Mind Machine. Hello, my name is Easy. I am your personal AI. You are now boarding the Mind Machine, a cyberspace where everything is possible. Your journey will bring you through your dreams and memories, anywhere in space and time. Let go, and your emotion will take the lead. Take a breath, open your mind, and let the story begin. Entropy Zero avec Memory Process et The Mind Machine, deux extraits de Mind Machine, A New Experience, groupe nantais. Donc ouais, je sais, on est plus proche de Jean-Michel Jarre que de Sepultura par exemple, mais bon, ça le fait quand même. Eh bien, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se faire maintenant, on va changer complètement de registre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé d'Electric Shock, j'aurais préféré en passer dans d'autres circonstances. On va se faire un hommage donc à Neil Peart, le légendaire batteur donc de ce groupe hors norme. Malheureusement, groupe formé connu en France, il faut dire que bon bah ils ne sont passés qu'une seule fois dans toute leur carrière en plus de 40 ans, c'est quand même un petit peu dommage. Il faut dire aussi à leur décharge que pendant très longtemps leurs albums étaient disponibles en import donc très très cher, donc ça limitait aussi le fait de se faire connaître quelque peu aussi. Et bon, malheureusement, c'est le premier hommage qu'on fait de l'année 2020, et malheureusement, je sais qu'il y en aura d'autres, et bah, plus le temps passe, et plus j'ai l'impression qu'Electric Shock se transforme un peu en rubrique nécrologique, et oh, ça me fout les boules, ça, quand même, voilà. Et donc, Neil Peart, et bah, c'est un batteur extraordinaire qui a influencé tout le monde dans le métal. Mike Portnoy de Dream Theater pourrait vous en parler pendant des heures, d'ailleurs, son jeu est très inspiré de lui. Rush, le groupe en tant que tel, a aussi inspiré aussi bien Metallica que plein d'autres groupes, or que c'est pas vraiment un groupe de hard rock, c'est plein de choses, Rush. Voilà, c'est moi, personnellement, j'étais un grand, grand fan. Et je sais que de les avoir vus lors de leur seul unique passage en France, ça reste un souvenir quand même inoubliable. Alors, on va se faire un extrait de leur dernier album, le live, qui était sorti en 2015, Air 40 Live, qu'on avait passé d'ailleurs pas mal d'extraits ici même, d'ailleurs. Et on va s'envoyer le Cirrus X1, un morceau... espèce de medley instrumental, puisque Cirrus X1, c'était un très long morceau qui figurait en partie sur l'album Farewell to Kings en 77 et qui se terminait dans Hemispheres 2 ans plus tard, enfin bref, très compliqué. Et ce Cirrus X1 est suivi d'un petit solo de batterie, et Neil Peart, c'était un des rares batteurs qui arrivait à rendre un solo de batterie intéressant, parce que bon, soyons honnêtes, pendant un concert, le solo de batterie, c'est un peu souvent le moment où on se fait chier et on profite souvent pour aller boire un coup, aller aux toilettes. Même si on reconnaît que le gars a une technique fabuleuse, souvent c'est quand même... un peu gonflant, faut le reconnaître, voilà. Mais Neil Peart, lui, par contre, il arrivait à rendre ça intéressant de bout en bout. Allez, en hommage à Renil, ce grand monsieur, tout de suite, Rush. Thank you. My pleasure to say Mr. Neil Peart on the drum kit, please. Rush avec l'instrumental, si, une partie instrumentale du moins, Sirius X-1, suivi d'un solo de batterie, extrait de l'album Air 40 Live, qui était leur dernier album live sorti en 2015, le dernier album tout court. Et ça, c'était donc un hommage à Neil Peart, leur batteur qui a disparu il y a 8 jours à l'âge de 67 ans. Voilà. Bon, on continue avec la troisième nouveauté de la soirée, toujours en live, mais là, d'un registre complètement différent, avec un live de Stone Sour, que personnellement, j'ai à peine vu sortir. Il est sorti vraiment en catimini. Stone Sour, vous savez, c'est l'autre groupe de Corey Taylor, le chanteur de Slipknot. Slipknot, d'ailleurs, qui sera en concert à Paris-Bercy, à l'Accor Arena Hotel d'ici la fin du mois de janvier. Et Stone Sour, actuellement, donc, est en sommeil. Et ils ont profité donc pour enregistrer pendant la tournée de leur dernier album Hydrograd, qui était sorti en 2017, dont on avait passé d'ailleurs pas mal d'extraits. J'avais beaucoup apprécié l'album. Un concert enregistré à Reno, qui devait être enregistré comme ça, histoire de voir. Ils l'ont trouvé tellement bon que finalement ils ont décidé de le sortir tel quel, sans overdubs, rien du tout. C'est marqué sur un sticker et c'est vrai que ça s'entend, parce que quand on entend des fois les chœurs, on se dit ouais, ça au moins c'est du brut de chez brut, c'est pas trafiqué. On sent qu'il n'y a pas eu de travail studio, peut-être juste une remise à niveau des potards, histoire que tout sonne comme il faut. Et ce live vraiment tonitruant est vraiment une tuerie. D'ailleurs, par contre, il est sorti sur un label confidentiel et non pas chez Roadrunner, qui est donc le label habituel de Stone Sour. Donc pour trouver ça, c'est un petit peu dans la chance, surtout que il y a quasiment pas de pub, rien du tout, ce qui est un petit peu étonnant. Donc ce live s'appelle Hello You Bastards Live in Reno, donc tout un programme. Sorti donc le 13 décembre dernier, on va s'envoyer donc un petit morceau de Hydrograd, Taipei Person à Lati, et la petite intro Easy d'abord pour se mettre bien dans l'ambiance. Hello, you bastard! Sucking on the cold beneath.

putain que c'est bon. Ça, ça sera un des coups de cœur d'Electric Shock en ce début d'année. Ouais, je sais, je triche un peu puisque c'est sorti en fin d'année dernière. Stone sort avec son live Hello You Bastards Live in Reno, leur premier live avec, on a eu Do Me a Favor et en, juste avant Pay Person à Lati et la petite intro Easy, voilà, pour bien commencer. Ça, ça fait du bien, ça. Après ça, si après ça, on n'a pas la pêche, bah, je sais pas ce qu'il vous faut. Bah, tiens, maintenant, on va repasser quelque chose, bah, qu'on n'a encore jamais eu l'occasion de passer dans Electric Shock, et c'est du Made in Orleans. C'est le premier album de So More Chains, qui existe depuis un petit peu déjà, et qui commence à faire parler de lui, et qui sera en concert, donc, samedi soir, avec Prime Sinister au Blue Devils. Et ben, bah, on va se faire un extrait, donc, de leur premier album, Utopia Brings Hell. We'll be right back. Horizon Noir, c'est leur cinquième album à Stubora, et c'était le morceau à en crever. Juste avant Stubora, c'était donc So More Chains, leur premier album Utopia, et c'était le morceau Bring the Hell. Et So More Chains, qui sont des gars du coin, vous pourrez les trouver en concert samedi soir avec Prime Sinister au Blue Devils à partir de 20h30. Allez, on continue avec une légende du trash death français Loud Blast dans la série Comment faire du neuf avec du vieux. Je voudrais la réédition de License to Thrash, qui était ni plus ni moins que le premier split LP de Metal Extrême en France, qui contenait une face, à l'époque c'était à vinyle, sorti un peu plus en 80, fin 87, début 88, avec Aggressor sur une face, Loud Blast sur l'autre. Et là, il a été enfin réédité, car cet opus était vraiment introuvable, et sinon à des prix vraiment exorbitants. Et du fait du passage en CD aussi, il y a plus de place. Du coup, on a eu droit à des morceaux inédits. La semaine dernière, vous avez eu droit à un petit morceau d'Aggressor. Là, c'est Loud Blast qui s'y colle. On va se faire un extrait de leur première démo. Et c'est Eyes of Mayhem maintenant. Alors, excusez la qualité sonore, mais c'est le document qui est là. Et ça arrache quand même bien. We'll be right back. des crassages hebdomadaires des cages à miel, c'est où et c'est quand? C'est sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Là, on en a fait sauter un paquet de miel là, des oreilles avec à l'instant Tank Roast avec un extrait de l'album Opposite Terror qu'on connaît bien, parce que ça fait déjà pas mal de semaines qu'on en passe. Et c'était In Despair of Despair. Juste avant, un inédit de Loud Blast, puisque c'est agi d'une démo qui date bien avant ce EP License to Thrash qui vient d'être réédité, et c'était Eyes of Mayhem. Eh bien, on va se faire une nouveauté, la dernière de la soirée, la quatrième, avec un groupe qui nous vient de la région parisienne et qui vient de sortir son premier EP, tout chaud, tout bouillant, puisqu'il est sorti donc le 1er janvier. Le groupe s'appelle Not Your Animal, déjà tout un programme, et l'album s'appelle Not Rock'n'Roll. Pourtant, si, c'était du rock'n'roll, parce qu'on peut parler de punk, de rock psyché. À la fois, ça fait penser à Nick Cave, The Gun Club, de Radiohead, Neil Young. Enfin, il y a plein de choses. Bref, c'est du très bon rock malgré tout. Et Neighborhood, je pense, va vous convaincre. Ça, c'est évident. To be so wonderful, to be so beautiful, to be so goddamn perfect, to be so philanthropic. You want the winner's smile, you want to talk so fine, you have the greatest mind. In a neighborhood, when we were young, we would dance to hoops of fire. The neighborhood, neighborhood, neighborhood, come on. To write amazing songs with this amazing band in front of zero fans. We would aim for so much. premier extrait du dernier album de Hell of a Ride, Nine of Cups. Juste avant, c'était les franco-américains de Not Your Animal et leur premier EP Not Rock'n'Roll. C'était le morceau Neighborhood, donc un groupe à suivre qui n'a qu'un seul défaut, c'est que son EP est vraiment trop court. Et moi, j'aurais bien aimé un album complet parce que c'est vraiment très très bon. Changeons complètement de style, parce que c'est ça Electric Shock, c'est un petit voyage à travers les genres et sous-genres qui composent notre style musical préféré. Et bah tiens, on va revenir au split album de Ancestral Legacy et de Veil of Mist, deux groupes de dark metal, l'un norvégien, Ancestral Legacy et Veil of Mist, qui reprenait un album qui s'est divisé en deux parties. On va se faire une petite reprise. On avait déjà passé une reprise. Ancestral Legacy reprenait Mylène Farmer, assez surprenant. Et là, Veil of Mist, par contre, reprend le groupe de dark ambiante franco-autrichien Hélène, groupe culte, et qui a changé son morceau qui s'appelle Stage Wingman de façon en Funeral Doom, de façon très intéressante. Donc, extrait de The Silent Frontier. Ah, un petit caprice. Est-ce qu'il va partir ? Oui, ça y est, c'est bon. Délicieusement glauque, cette reprise de Helen, n'est-ce pas? C'était A Stage Ring Moon, extrait donc du split album Ancestral Legacy Veil of Mist, et la stèle française de Veil of Mist qui s'y collait sur leur opus commun The Silent Frontier. Et si on se faisait un petit peu de live avec du culte, eh bien tiens, on va revenir avec au live de Sirius on Goal, groupe de la fin des années 80 qui s'est séparé en 91 après 4 albums qui n'ont pas rencontré leur public mais qui entre-temps sont devenus cultes. Le groupe s'est reformé depuis 2015 et depuis il arpente les scènes européennes. Et du coup, il en a profité pour sortir leur premier CD-DVD live, enregistré principalement lors de festivals en 2017. Et bon, là, on va faire un petit tour au festival Hammer of Doom à Würzburg, où Sirius on Goal nous interprétait un petit extrait de leur album culte One Foot in Hell, sorti en 86, War Eternal. We'll be right back. a song about the town where I was born. Netsocor, extrait du CD-DVD I'm Alive, leur premier du groupe culte Serious and Goal. Voilà, donc ce sera le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Et voilà, une fois de plus, bah, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. J'espère vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine, où il y aura encore bien évidemment d'autres nouveautés, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien et écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Salut à tous!